Algérie, Gardaïa, Hôtel des Dunes. 5 juillet 1981, 16h. Bonjour. Y a quelqu'un? Salam alaikum. Jeanne. Comme je suis content de te retrouver. Donne-moi ton sac. Ça s'est bien passé? Ça va. Ça a été un peu compliqué à la douane. Et j'ai pas trouvé le sommeil depuis que j'ai quitté Los Angeles. Et chez Lockheed? Ils se sont doutés de rien. Mais j'imagine que ça doit être la panique en ce moment. Tu as les pellicules? Toujours dans leur boîte au fond de mon sac. Je suis fier de toi. Tu as été très courageuse. Cet hôtel, on y venait quand j'étais petite avec maman et toi. C'est une planque du steak? Non. Nous sommes les deux seuls clients. Aucun risque qu'on soit dérangé. Allez, viens. J'ai préparé un petit quelque chose pour fêter ton succès. C'est peut-être un peu tôt pour sortir le champagne, non? On trinque à quoi? À toi, à nous, au Créange. Dom Pérignon, blanc de blanc, en plein désert. Je ne suis pas sûre que les photos des plans soient nettes. Tiens, je te donne tout maintenant, y compris mes notes. Ouais. Merci. Ah, j'ai aucun doute sur la qualité de ce que tu me rapportes. Encore bravo. Maintenant que je suis persona non grata sur le territoire américain, quand pourrais-je rencontrer les gens du steak? Je dois d'abord m'assurer de la mise en sécurité des plans. Il ne faut pas t'exposer inutilement, tu as déjà pris trop de risques. Toi, tu vas m'attendre ici, à l'hôtel des Dunes. Alors que toi, tu repars à Paris? Hors de question. Tu pars combien de temps? Je reviendrai te chercher d'ici 3 semaines. Les Américains vont nous mettre sous pression. Tu dois rester en planque un moment, jusqu'à ce que les choses se calment. Tu seras en sécurité ici. D'ailleurs, en parlant de sécurité... Papa, je n'ai pas besoin d'un revolver. Le meilleur. Manura MR-73, fabrication mulhousienne. Chargé, bien entendu. Mais le meilleur moyen pour ne pas t'en servir est encore de faire profil bas. Ne sors pas de l'hôtel. Si jamais des inconnus essayent de rentrer en contact avec toi, donne le change, mais reste sur tes gardes. Parce que personne ne vient dans cet hôtel par hasard. Algérie, Béchar, rue Abdelhadine Kadour. 10 juillet 1981, 11h. Sbah al-khair. Sbah al-khair. Je voudrais parler à Simna Hadfi. Oui, c'est moi. Vous êtes qui? Karim Ekloufi. Je suis journaliste à Paris et je fais une enquête sur la présence française à Béchar. Ah, c'est vous qui m'avez appelé au téléphone. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. C'est fini depuis 15 ans. Ça sert à rien de réveiller les fantômes. Je m'intéresse à Hector Créange. Oh, Yalantef. Lui, c'est plus qu'un fantôme. On m'a dit que vous aviez été sa gouvernante. Entrez, marhaba. Je viens de faire du thé. Merci de me recevoir, Lalat. Marhaba. Tu sais, je vis seul, alors un peu de compagnie, c'est toujours la bienvenue. Assieds-toi, toi pas. Sahar, c'est un plaisir d'être chez vous. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ces décrets? Parce que tu sais, je l'ai bien connu. J'ai été gouvernante dans la maison de Suzanne. C'était après l'indépendance, c'est ça? Juste après. Ils sont restés, de 4 ou 5 ans, je sais plus. Il était comment, Créange? C'est des créanges. Il était très autoritaire. Et un peu bizarre. J'avais pas confiance en lui. Ken Kiddeb. Kiddeb. C'était un menteur. Et il parlait mal aux gens. Sauf à sa femme et à sa fille. Il les aimait beaucoup. Sa fille? Eh, Jeanne. Elle, je l'adorais. Elle était très intelligente et vive. Une vraie petite femme. Tiens ton thé. Psaha. Elle allait à l'école ici? Là. C'est sa mère qui lui donnait ses leçons. Ils sont repartis en France quand le centre a fermé. En 67. Je les ai plus jamais revus. Et après, j'ai plus eu de nouvelles. Je parlais beaucoup avec la petite. C'était une adolescente et Miskina, elle s'ennuyait à être coincée à la maison sans rien voir du dehors, la pauvre. Et Hector Créange, vous savez ce qu'il faisait en Algérie avant 62? Il parlait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors moi, franchement, j'écoutais pas tout le temps. Je sais juste qu'avant, il était à Constantine et à Alger. Et il avait des amis partout, des Algériens et des Français qui venaient le voir. Les Algériens, c'était des militaires. Pas seulement. Mais pourquoi tu veux savoir tout ça? Mon père s'appelait Abdelkader Merkloufi. Il enseignait la géographie à l'université de Constantine avant la guerre. Tabarakallah. Il s'était engagé pour la libération de l'Algérie, mais c'était un pacifiste. Il a été arrêté au cours d'une manifestation. Après, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Porté disparu. Je pense que Créange est responsable de sa mort. Tu sais, des morts, il y en a eu beaucoup. Pourquoi tu penses que c'est lui qui l'a tué? J'ai des preuves de ce que Créange et les autres comme lui ont fait. Tu parles de la torture? La question, comme ils disent. La baignoire, la gégène, les coups, voire pire. Je veux mettre les gens qui ont fait ça face à leurs responsabilités. Mmh. Mais pourquoi tu viens me chercher ici? Il n'est pas revenu en Algérie ces dernières années? À Béchar? Jamais. Mais il est peut-être retourné à son hôtel. Ma chemine hôtel? Il était propriétaire en Algérie. Non, c'était pas à lui. Mais il y allait souvent. Alors on disait que c'était son hôtel. Un hôtel aux portes du désert, à côté de Kardaya. Il aimait bien montrer le Sahara à ses amis. Les Suisses, des Allemands, des Américains. Et vous vous êtes déjà allé? Bien sûr, plusieurs fois avec la petite Jeanne et sa mère. Mais, Oudoubillah, je n'ai jamais aimé cet hôtel. Il fait peur. Il y a seulement le désert autour. Je ne sais pas, c'est comme un lieu hanté. Comment est-ce qu'il s'appelle? L'hôtel des Dunes, au sud de Gardaïa. Et comment on fait pour y aller? Il faut prendre une piste qui part de la route au sud-ouest de Djougen. Encore du thé? Choukran. Paris, siège du SDEC, bureau de Mathieu Fouché, 12 juillet 1981, 17h30. Nous avons beau insister, les Grecs affirment ne rien savoir de la présence de Créange dans leur ambassade au Danemark, Morel. Oui. Merci. Monsieur le directeur, les Américains sont là. Allons-y. Notre ministre des Relations extérieures est aussi perdu que nous. Espérons que Lucien aura plus de succès. Les Américains attendent au sous-sol. Pourquoi avez-vous tenu à ce qu'on les installe dans le cube? Parce que cette pièce montée sur pilotis est complètement insonorisée. Je sais ce qu'est le cube, mais pourquoi l'utiliser pour les Américains? Pour leur en mettre plein la vue, Morel. Nous ne jouons pas en terrain neutre. Chaque détail compte. Bonjour, messieurs. Bobby Rehnman, Deputy Director of the CIA. Good morning. John Frame, US Embassy. Morning. Mathieu Fouché, directeur du SDEC. Bonjour. Colonel Étienne Morel, directeur adjoint. Prenez place. We need to clarify a few things with your organization. Messieurs, lorsque nous sommes dans vos murs, nous parlons votre langue. Ici, nous parlerons français. Voulez-vous? Ok. Le français conviendra parfaitement pour notre petite conversation. Que nous vaut cette demande de réunion d'urgence? Monsieur Fouché, je suis sûr que vous devinez très bien la raison de notre présence ici. Pouvez-vous m'éclairer? Nous faisons référence aux événements survenus le 29 juin dernier sur le territoire américain. Ah, vous parlez certainement de cette jeune américaine d'origine française qui a disparu? Franco-américaine, oui. Oui, soit. Jeanne Evans. J'ai bien peur, messieurs, de ne pouvoir vous apprendre quoi que ce soit que vous ne sachiez déjà. Et que savez-vous sur Jeanne Evans? Colonel Morel. Jeanne Evans, 30 ans, citoyenne américaine, possédant également la nationalité française. Dernière résidence connue à Burbank. Elle a disparu voici maintenant 6 jours. Elle a franchi la douane américaine avec un passeport français au nom de Sophie Bizet. Où est-elle à présent? Pourquoi cette insistance? Je vous prie de bien vouloir nous croire. Nous sommes alliés, après tout. Pour le moment, oui. Mais nous avons toutes les raisons de penser que Jeanne Evans est un agent de SDEC. Jeanne Evans n'a jamais travaillé pour nous. Et nous n'avons aucune idée de ce qu'elle faisait à Burbank. C'est clair? Soyez raisonnable. Notre directeur, William Casey, est furieux. Et si vous continuez sur cette voie, c'est le président Reagan en personne qui en discutera avec votre président. Et ni vous ni nous, nous ne souhaitons en arriver là, n'est-ce pas? Il est préférable de régler ça entre gens de métier. Messieurs, nos services pourraient parfaitement coopérer. Mais pour cela, il va falloir nous en dire un petit peu plus. Ok. Jeanne Evans travaille pour la société Lockheed depuis 5 ans sur un projet top secret. Elle disparaît du jour au lendemain et traverse la frontière avec un passeport français qui n'est pas le sien pour se rendre en Europe. Je vous pose à nouveau la question. Si ce n'est pas pour vous, pour qui travaille-t-elle? Je vous offre notre aide et vous continuez de mettre ma parole en cause? Avant de quitter son domicile, Jeanne Evans a reçu un coup de téléphone. John, would you please give him the tape? Morel, faites-nous écouter le contenu de cette bande. Jane speaking. Bonjour ma chérie, c'est moi. J'appelle pour prendre de tes nouvelles. Tout va bien. J'ai eu beaucoup de travail ces dernières semaines, mais j'ai enfin fini. Ça y est. Formidable. Tu vas pouvoir te reposer maintenant. Tu as bien mérité des vacances. J'espère te voir bientôt, ma chérie. C'est Jeanne Evans. Son interlocuteur s'appelle Hector Créange. Je crois savoir que c'est un officier de chez vous, n'est-ce pas? Messieurs, à ce stade, il va falloir que notre service analyse cet enregistrement. Rien ne nous permet d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de la voix d'Hector Créange. Ce recording est passé par les analystes de Langley. Nous sommes positifs. Il s'agit bien de votre âme. Très bien. Votre réaction me porte à croire que vous avez totally perdu le contrôle de cet élément. Si vous mettez la main sur Hector Créange avant nous, vous nous le livrez immédiatement. Quant à Jeanne Evans, nous vous prions de ne pas interférer dans sa capture. C'est une citoyenne américaine qui s'est rendue coupable de haute trahison. C'est notre affaire. Is that understood? Votre offre de coopération est donc pleinement acceptée. À nos conditions. Siège du SDEC, 19h. Où sont Martino et Delaporte? Nous attendons sa visite. Je crois bien que notre théorie sur le rapprochement de Créange avec les Américains ne tient plus. Mais il n'y a plus rien qui tient. Bordel, ce type est partout. Notre meilleure taupe soviétique nous claque entre les doigts, Créange. Un fouille merde remue notre passé algérien, Créange. Et là, une gamine vole les secrets américains, Créange. Son parcours chez nous l'a amené à traiter de nombreux dossiers sensibles. Il est normal que son nom revienne. On vient de se faire pisser dessus par la CIA, Morel. À domicile. Jamais. Jamais de ma vie, je n'ai connu une telle humiliation. Bonjour. Bonjour, monsieur le docteur. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, Martineau ? Monsieur... Nous avions une Française dans une boîte d'aéronautique militaire américaine ? Pire, la CIA nous apprend qu'elle fait l'espionne. Et pire encore, on passe pour des abrutis parce qu'on ne sait rien de rien. Vous vous amusez bien hein, au secteur ouest ? Vous avez réussi à placer Washington sur une carte, ça y est ? Écoutez, monsieur le directeur, les Américains sont nos alliés de longue date et il est très très délicat... Alliés ? Ils n'ont pas l'air de penser ça au moment où je vous parle. Enfin, monsieur, nos relations avec eux ont toujours... Et maintenant, écoutez-moi tous bien attentivement. Une franco-américaine, Jeanne Evans, qui travaillait à Burbank depuis 5 ans, a disparu. Pour les plus ramollis de ce service, Burbank, ça veut dire aéronautique, aérospatiale et armement. Les Amerlocs sont convaincus qu'il s'agit d'un agent de notre service. Ils veulent qu'on mette la main dessus et qu'on la leur livre, sans quoi ils n'hésiteront pas à mordre très fort. Monsieur le directeur, si je puis me permettre, nous soupçonner d'espionnage parce qu'elle est française, c'est un peu léger. Oui, très bien vu de la porte. Bon, arrêtez avec vos conneries maintenant. Avant de quitter les États-Unis avec les plans de ce qui pourrait bien être la prochaine bombe H, cette Jeanne Evans a reçu un coup de fil. Un coup de fil d'Hector Créange. Avec Morel, nous venons d'en écouter la preuve enregistrée. Jeanne Evans est donc de mèche avec lui. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu dérober ? Qu'est-ce que ce malade mental de Créange peut bien espérer faire des secrets américains ? Nous allons devoir trouver la réponse à ces questions dans les tout prochains jours, sinon les toutes prochaines heures. Voici ce que la CIA a bien voulu nous fournir. Photos, passeports, dentisterie, dossier psychologique et médical. C'est un début. De la porte, vous secouez tout le monde. Ambassade aux États-Unis, RG, DST, police, vous me retrouvez tout ce que vous pouvez sur Jeanne Evans. Vous me reconstruisez son passé depuis sa naissance jusqu'à Burbank. Et trouvez surtout pourquoi et comment elle est liée à Hector Créange. Bien, monsieur. Martineau, j'ai l'impression définitive que le secteur ouest tourne au ralenti. Faites-moi un rapport complet sur les projets en cours de Lockheed. Il faut qu'on sache pourquoi les Américains sont aussi nerveux. Nous avons une note sur les recherches menées à Burbank. Elle date de 1977, Martineau. Les Américains pourraient avoir fabriqué un robot pour remplacer Mitterrand, vous ne le sauriez pas. Il faut qu'on sache sur quoi bosser cette Jeanne Evans. Bien, monsieur le directeur. Laissez-moi seulement. Quel putain d'emmerdeur !